collectionneur, des fois nous sommes les mercenaires. La famille, c'est les camarades, le seul honneur qui nous échoit. Pour le frère d'armes, le passé à trépas, la seule vie pour laquelle on compte pas. Nous sommes les mercenaires.